Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de À l'affiche, épisode numéro 1 qui sera consacré aujourd'hui au film Les Pingouins de Madagascar, film qui est sorti le 17 décembre 2014. Mais avant de vous présenter ce film, que je vous donne un peu mon avis, je tenais à remercier personnellement tous ceux qui ont pu me faire un retour sur l'épisode pilote qui était consacré au film Astérix et Obélix, Le Domaine des Dieux. Alors, dans le désordre, je vais citer Kikrine, qui fait un podcast qui s'appelle Une fille, un podcast. Feel Good, qui fait le P2P, gérant de Podshow, Pod Radio et Podcloud. Kenton57, qui fait le podcast Gamecraft, auquel j'ai la chance de participer, et qui a fait Catch. Dino, qui fait un podcast qui s'appelle le SAV de la F1. Milou, du FMICast, ou encore Steph Core, ou Dog Detective. Donc, merci à vous, ça m'a fait plaisir d'avoir des retours, d'avoir des critiques qui me permettront de m'améliorer sur les prochains épisodes. Avant d'entrer dans la salle, donc j'avais vu la bande-annonce qui me faisait bien envie quand même, hein. Faut dire ce qui est. J'avais également vu seulement le premier dessin animé Madagascar, dans lequel on retrouve déjà les quatre personnages. Dans Madagascar, ils font seulement des petits gags ponctuellement, sans que ça apporte quelque chose à la trame principale, alors que là, ils sont portés au premier plan. Et j'avais peur justement que de les voir tout le temps pendant une heure et demie, que ça devienne lourd et que les gags au final ça devienne pas drôle, quoi. Que l'envie, quand dans le dessin animé Madagascar, on les voit qu'une fois de temps en temps. Et donc, quand on les revoit, on est content de les voir parce qu'on a envie de les voir. Quand un gag se termine, on est là, ah, trop dommage, c'était bien, c'était drôle. Et là, j'avais peur que pendant une heure et demie, on en ait trop. Et qu'au final, on se dise, c'est un peu lourdingue, quoi. Et j'avais également peur que le fait que ce soit un film pour enfants, pour vraiment les enfants, j'avais peur que les adultes, on s'ennuie un peu, quoi. Que les gags soient vraiment trop potaches et que l'histoire soit vraiment trop simple et qu'on s'ennuie vraiment à qu'il n'y ait pas de double sens, de jeu de mots pourris ou de trucs à la con que les enfants ne percutent pas. En sortant de la salle, j'étais content. J'ai passé un bon moment, c'est un bon film d'animation. On ne s'ennuie pas, hein, que ce soit les adultes ou les enfants. On retrouve des gags pour tous les âges, hein. Pour les enfants, il y a un peu d'humour, on va dire, simple ou potache. Mais pour les adultes, on retrouve aussi des jeux de mots pas drôles, ou des petites références, ou des vannes que les enfants ne percuteront pas, mais où les adultes rigoleront, quoi. Ils seront pas juste là à se dire « Ouais, j'ai amené mon gamin, et c'est pour lui que lui qui s'amuse, quoi. » Il y a pas mal aussi de personnages secondaires. La caméra n'est pas tout le temps braquée sur les pingouins, même s'ils sont jamais très loin, hein. Ce qui fait que ça, l'histoire est un peu plus dynamique. On pense qu'on s'ennuie moins, c'est un peu moins monotone que si c'était uniquement sur des... Si c'était uniquement sur les quatre pingouins tout le temps, on retrouve bien les gags ou les références ou des petits trucs à la con qu'on voyait déjà dans les Madagascar, hein. L'environnement en tant que tel de Madagascar est perdu. On prend juste les quatre personnages qu'on projette dans une autre histoire et c'est pas plus mal, hein. Le scénario est assez classique, hein. Ça passe pour tous les âges, hein, pour les parents, pour les adultes. Dans la salle, on a tous rigolé en même temps. Le scénario est assez classique aussi dans le sens où... C'est-à-dire que ces quatre personnages qui font leur vie et tout... Et au final, t'as un méchant qui veut les embêter et ça se passe pas très bien. Et au final, tout est bien qui finit bien, hein. C'est... Je vous spoil la fin, mais je pense que vous vous en doutiez. C'est un beau happy end. Mais bon, on s'ennuie pas. C'est quand même pas mal. Ah si, un autre truc qui m'a marqué, la voix d'un des pingouins, c'est la voix française de Stan dans South Park. Je connais pas l'acteur, mais c'est quelque chose qui m'a frappé. C'est-à-dire que dès la première fois où je l'ai entendu, j'ai fait putain, mais on entend Stan, quoi. C'est tout le temps. Moi, quand je voyais un des pingouins parler, je voyais le Stan avec son bonnet bleu et sa veste marron parler à d'autres pingouins, quoi. C'était flagrant. Les autres doubleurs français sont pas mal non plus, hein. J'ai pas reconnu les voix, peut-être, elles sont sans doute connues, hein, parce que c'est un gros film, mais ils jouent quand même bien, hein. Ça colle bien avec l'image, c'est plutôt bien. Alors voilà, j'ai pas grand-chose d'autre à dire, c'est un bon divertissement de Noël, hein. C'est un beau happy end. Vous vous ennuierez pas, si vous avez des enfants ou des petits dans votre entourage, n'hésitez pas à les emmener, ils ne s'ennuieront pas non plus. C'est pour tous les âges. J'ai pas grand-chose à dire de plus aussi dans le sens où c'est un film assez classique, hein, mais je tenais à faire un nouvel épisode avant la fin de l'année quand même, histoire de mettre un peu l'émission déjà dans son rythme de croisière. J'espère que ça vous aura plu. Elle sera sans doute un peu plus courte que d'habitude. Je visais une émission qui durerait un quart d'heure à peu près. Là, elle sera un chouïa plus courte à mon avis. Dans le sens où je me suis rendu compte que lors de l'enregistrement que bah c'est un film assez standard, assez facile, assez classique à critiquer. Il n'y a pas beaucoup à discuter. Les prochaines critiques seront sans doute un peu plus poussées parce que ce sera un film un peu plus complexe. Mais c'est pas plus mal. Ça vous permet d'avoir un retour. Ça me permet à moi de m'améliorer suite aux diverses remarques que j'ai eues lors de l'épisode pilote, hein. D'ailleurs, n'hésitez pas, hein, si vous avez encore des remarques ou des critiques à faire, n'hésitez pas, hein, des critiques constructives, bien sûr, hein, si c'est juste pour me bâcher, vous hésitez et c'est pas la peine de me contacter, hein, je vous ignorerais, autant pas le faire. Pour me contacter, alors il y a mon Twitter, @oasis35, @oasis35, ou alors dans les commentaires PodCloud, hein, je regarde assez régulièrement, donc. N'hésitez pas, je me ferai un plaisir de vous répondre. Pour la fin de l'émission, on va se quitter avec une chanson. J'ai oublié d'expliquer le concept dans la première émission. Allez savoir pourquoi, même lors de la réécoute, ça m'est complètement passé au-dessus de la tête. Je vais présenter un peu le titre que vous avez entendu la semaine dernière. Alors, c'était une reprise de PV Nova, qui est un youtubeur français qui fait de la musique, et il faisait une reprise d'une chanson de Metronomy qui s'appelle The Look. C'est une chanson que j'aime beaucoup, et donc voilà, je voulais vous la faire partager. À savoir que à la fin de chaque émission, on se quittera en musique. À la fin de chaque émission, on se retrouvera en musique. Je sais que certains m'ont dit que fallait pas mettre des musiques aussi longues, et d'autres m'ont dit que c'était bien. Moi, je considère pour l'instant, en tout cas, que mettre une musique à la fin, bah, écoutez, si vous voulez pas l'écouter jusqu'au bout, vous pouvez couper, hein, vous aurez entendu le gros de l'émission, c'est pas très grave. Donc la chanson que vous allez entendre à la fin, c'est une reprise encore faite par PV Nova et l'agent Wax. Alors, c'est une reprise du Comité des reprises, qui est une chaîne YouTube que j'aime beaucoup. Ils font des reprises de chansons actuelles avec les groupes. Donc là, c'est une reprise du groupe The Do et de la chanson Disaster, Hangover, Ecstasy. Je connais moyennement le groupe The Do, je vous avoue que je l'écoute pas tous les jours. Mais j'ai entendu cette chanson bah, le jour de sa sortie, le jour de la sortie de la vidéo, et j'ai beaucoup aimé. Alors je me suis dit que autant vous la faire partager, hein, pourtant c'est pas trop mon style, hein, vous verrez, c'est moyennement mon genre de musique que j'écoute, mais là ça a été mon coup de cœur et je l'écoute assez régulièrement avec plaisir. Donc on se quitte sur cette musique et puis je vous dis bah passez de bonnes fêtes, passez un bon Noël, une nouvelle année, un bon nouvel an, et puis rendez-vous en 2015 pour de nouveaux avis sur les films qui sortiront. Allez, à plus! Promises we thought we could keep, we trigger horror games unwillingly. It's our fault when it all. on the road.